Allez, tu viens, on va aller dîner en bas, les mitzalas, chez Eddie Boomerang, mère la clé. Sanga sukali na sengi yoloboko la kisinga lopangwa baboti bayo. C'est sérieux, pas des belles congolaises, viens près de moi, donne-moi ton cœur. Tala na langwe na komise koenga. Michelin.